Chapitre 6e. Le divin argentier. De retour chez lui, Karim trouve son frère Mehdi. Il est venu rendre visite à sa mère, comme chaque semaine ou deux. Âgé de 27 ans, 2 ans de plus par rapport à Karim, il est de grande taille, d'une forte corpulence, bien musclé, un visage joufflu ou pointe de petits yeux de renard, toujours à l'affût, toujours méfiant avec l'air de dire « Quel sera aujourd'hui le salopard qui me trompera et quel sera l'imbécile que je tromperai ?» À ce portrait, il faut ajouter l'expression hautaine de celui qui croit tout savoir, parce qu'il ignore jusqu'à son ignorance. Les prêches à la mosquée et celles écoutées dans son magasin sur des CD sont pour lui toute la science et toute la sagesse qu'il faut avoir pour tout comprendre et tout expliquer. Tout le reste est prétention, idiotie et hérésie. Bien entendu, il s'habille à la manière saoudienne et porte une barbe hirsute. Il gère un commerce de vêtements importés de Turquie, dans le quartier populaire de Medine Jida. Là s'activent des marchands de tous les genres. Les principaux opèrent dans les vêtements avec des prix considérés à la portée du peuple. Ces produits sont généralement achetés à des entreprises où les travailleurs, généralement des femmes, sont exploités de la manière la plus éhontée par des patrons qui déclarent fièrement « C'est Allah qui fait les riches et les pauvres, c'est écrit dans notre Saint-Coran ». En accompagnant sa mère pour des achats dans ses magasins, Karim n'est pas étonné d'entendre, dans la plupart des boutiques, des enregistrements audio, diffusant toute la journée des sourates du Coran ou des prêches de clercs. Pour Karim, ces propos, d'une part, soulagent la conscience des marchands, qui vendent le plus cher ce qu'ils achètent au prix le plus bas, et d'autre part, manipulent la foi des clients. Ces derniers ont l'illusion d'avoir affaire avec des marchands honnêtes, parce que croyants. En outre, certains de ces marchands, sinon beaucoup, portent des accoutrements des intégristes islamistes, barbe hirsute, gandoura et savates saoudiens. Ils savent que ces apparences font impression sur la crédulité populaire et favorisent le profit marchand. Dans le quartier s'activent également des vendeurs-acheteurs, grands pas trafiquants, d'articles en or présentés comme purs 18 carats. Karim se désole de voir tellement de femmes du peuple venir dans cet endroit. Les unes aiment s'éblouir par l'éclat du métal jaune, symbole de richesse. Elles voudraient tellement le posséder. D'autres cherchent à réaliser une bonne affaire au détriment des personnes naïves. Parfois, Karim éprouve des difficultés à conserver sa bonne humeur en accompagnant sa mère dans cet antre du clinquant prétentieux et de l'affairisme pernicieux. C'est que la maman aime regarder ce qui brille. Cependant, elle n'est pas dupe. « Faut faire quand même attention si ce n'est pas du faux », dit-elle à chaque fois à son fils. Après des heures de visite dans diverses boutiques, de longues observations attentives, des marchandages tortueux sur le prix, enrobés de salamalais onctueux. Parfois, la maman s'offre un caprice, comme elle dit, mais toujours très modeste, une mince bague, ou deux petites boucles d'oreilles, ou une paire de fins bracelets. Ou elle ne les met jamais, même pas pour assister à un mariage. « En cas de besoin, se justifie-t-elle, je peux les revendre, en espérant que le prix de l'or aura augmenté. » Pauvre maman, se désole le fils en lui-même, incapable de remédier à ce défaut de sa chère mère. Revenons au frère marchand de Karim. Il a préféré renoncer à ses études au lycée pour, déclare-t-il, gagner de l'argent le plus vite possible. En ce monde-ci, il n'y a que l'argent qui compte. En formulant ce jugement, il avait oublié, ou seulement occulté, son autre affirmation « Allah seul et son jugement dernier compte ». Toutefois, ce marchand ne souffre pas de se contredire. Il concilie parfaitement l'adoration de l'argent et la vénération de Dieu, l'un justifiant l'autre. Les marchands du monde entier, quelle que soit la religion professée, sont dans le même cas. Aux États-Unis, on est allé jusqu'à imprimer sur le dollar « In God we trust ». En Dieu, nous croyons. Et même dans les nations athées, comme la chinoise ou la japonaise, quoi qu'en disent leurs moralistes, l'argent est le Dieu suprême. Cependant, Mehdi a un trait de caractère fort appréciable. Il récuse la violence. Les tueries de la décennie sanglante l'avaient profondément choqué. « C'est pas des musulmans, ces gens-là, » déclara-t-il. « Ce sont des criminels fous et des ennemis du vrai islam. » Karim apprécie donc, chez ce frère prétentieux et ignorant, ce qu'il reste de saine raison malgré tout. Avec cela, encore plutôt jeune, ce frère s'est déjà marié 2 fois, a divorcé de la première en lui abandonnant 3 petits-enfants, sans leur accorder l'argent prévu par la loi. Avec la deuxième épouse, il a déjà 4 autres enfants, mais pense à s'en débarrasser pour se marier avec une 3e, plus jeune et plus belle. elle sera contrainte à consentir à un arrangement, parce qu'elle provient d'une famille pauvre. L'important, lui affirme-t-on, est que tu as besoin de nourriture et d'un toit. Quel que soit l'homme qui te les assure, ce fait lui donne le droit d'être ton mari. Et tu dois non seulement lui obéir, mais le bénir, en lui lavant les pieds quand il retourne à la maison. Pour justifier sa tendance au changement de femme, Médie présente cet argument. Le prophète Mohammed, que le salut de Dieu soit sur lui, n'a-t-il pas épousé beaucoup de femmes et vers la 60aine d'années, la dernière âgée de moins de 14 ans? Toutefois, un soir, Médie confie à Karim le vrai motif de ses divorces. « Une fois que ma femme a accouché d'un enfant, elle ne m'attire plus physiquement. J'ai besoin d'une autre. Et de ma part, c'est une action charitable. J'offre un manger et un toit à une pauvre jeune fille. » Karim ne répondit jamais ce qu'il pensait d'un tel cynisme. Il savait l'inutilité de sa réaction, ou plutôt, la colère furibonde qu'il aurait provoquée chez son frère. Karim était trop conscient de ce qui animait et motivait Médie. L'argent et le sexe, légitimés par l'Écriture sainte et proclamés par les prêtres. Médie n'a jamais lu le Coran. Il s'est contenté de ce que lui en disent les oulamas, les hommes de science. Revenons à la rencontre familiale. « Que faisais-tu ? » demande la mère à Karim. « Là, dehors, sur la place, je t'ai vu ramasser des immondices avec Saïd. »« Oui, je l'aidais. »« Comment ça, tu l'aidais ?»« Eh bien, à nettoyer les immondices. »« Mais nous le payons pour ça. »« Je sais. »« Mais d'abord, vous lui donnez une misère. »« Ensuite, il a trop de travail à faire sans parvenir à le terminer. » « Mais toi, pourquoi te mêles-tu de ça ?» insiste la mère, soudain inquiète. « Il n'est pas prudent de te distinguer par rapport aux autres. Cela t'attirera des ennuis. »« En quoi ? » objecte le fils. « Me suis-je distingué des autres ? J'ai simplement aidé Saïd un instant. » « Les autres gens, précise la mère, ne le font pas. Ils seront donc offensés de te voir faire ce qu'ils ne font pas. » Karima soupire de désolation. « Évidemment, elle a raison, » admet-il. Toutefois, elle se justifie. « Sois tranquille, maman. » Je ne crois pas avoir fait quelque chose qui offense les autres. Et puis, si aider Saïd les offense, eh bien, c'est leur problème. Ya Aouji, Ya Aouji. Malheur, se lamente la mère, au comble de l'inquiétude. Médie intervient, s'adressant à Karim avec une extrême contrariété. Je ne comprends pas. Tu aidais vraiment ce type à ramasser la merde des autres? Oui, répond Karim avec simplicité, sans être surpris de la réaction et du mot vulgaire de son frère. Karim connaît le total mépris de Médie pour tout ce qui est pauvre en argent, mépris dû à son caractère égoïste et stupide, renforcé par la pauvreté passée de la famille et aggravé par sa certitude de détenir la vérité. On lui a dit qu'il fait partie de la minorité des vrais musulmans dans un océan infernal de mécréants, se prétendant musulmans. Dans un océan infernal de mécréants, se prétendant musulmans. Voilà pourquoi Médie n'apprécie pas son jeune frère Karim, lui reprochant de ne pas accomplir la prière quotidienne, de ne pas se rendre à la mosquée, de ne pas s'habiller de manière conforme à la tradition, pour lui, la saoudienne, enfin de ne jamais employer dans son langage les formules religieuses consacrées. Un jour, Médie, choqué, interpella, scandalisé, Karim. « Pourquoi n'emploies-tu pas les formules musulmanes correctes comme « Bismillah » au nom de Dieu, avant toute action et pour saluer, dis-tu encore, l'expression athée « Atallah firouak » au lieu de « Allah, Allah yahavdak »« Prends soin de toi » au lieu de « Que Dieu te protège ». Aussi, Karim répond « J'estime que Dieu n'a pas besoin d'être invoqué à tout instant pour toute action qu'on doit faire et que se saluer les uns les autres en souhaitant de prendre soin de soi est raisonnable. Dieu ne dit-il pas « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Donc, nous avons d'abord à prendre soin de nous. Aïa. Allons donc. Objecte Médie avec une moue de mépris. C'est Satan qui parle par ta bouche. Pour ne pas noircir totalement le portrait de Médie, précisons qu'il éprouve chaque fois un fort mal de tête en écoutant Karim raisonner, surtout sur un terrain aussi glissant, sensible et délicat qu'est la foi religieuse. Elle est le socle où est construite toute la personnalité de Médie. Touché à ce socle, même en l'égratignant à peine, c'est jeter Médie dans la plus dramatique des situations. Alors il se défend, telle une bête traquée dans son refuge et qui se voit obligée de se battre pour ne pas succomber. Médie avait plusieurs fois essayé d'enrôler son jeune frère dans son saint djihad contre les infidèles. À chaque tentative, Karim lui avait répondu avec calme « Je préfère le grand djihad. » « Que veux-tu dire par là ?»« Dominer non pas les autres, mais mes propres instincts mauvais, afin d'être compréhensif et bon avec toutes les créatures vivantes de ce monde. » Quittant le terrain religieux, pas suffisamment maîtrisé, le frère aîné revient au premier argument. Et ta bonté consiste à aller te salir les mains pour ramasser les ordures des gens, et cela sans être payé. C'est un acte de solidarité pour obtenir une meilleure propreté collective. Avec la volaille ? Quelle volaille ? Ne sais-tu pas que tout ce qu'on appelle le peuple n'est rien d'autre que de la volaille, des moutons méprisables, des tubes digestifs et rien d'autre ? Toi et moi, ne faisons-nous pas partie de ce peuple ? Moi pas ! S'écrie outré le commerçant intégriste. La mère, inquiète, intervient. Mais dis, ne t'énerve pas. Elle se tourne vers Karim. Et toi, arrête de lui répondre de manière à l'énerver. Je réponds simplement à ses demandes, calmement. Mehdi hausse avec dédain les sourcils, plisse ses petits yeux de personne qui se croit rusée, et dévisage son cadet de manière ouvertement désobligeante. Sans y prêter attention, Karim met fin à cette désagréable situation en sortant de l'appartement. Permettez-moi, je dois sortir. Il a besoin d'air frais pour mieux respirer. En passant près du bar des amis, il aperçoit Silafid assis à sa table habituelle, sur la terrasse de l'établissement. Il le rejoint. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» lui demande le vieil ami. « Ton visage est triste. Assieds-toi, si tu as le temps, et explique-moi. » Karim obtempère, il avoue. « Pas facile de vouloir toujours être gai, jovial, plaisantin. Et cette fois-ci, quel en est le motif ?»« Mon frère aîné. » »« Il n'a pas apprécié l'aide que j'ai portée à Saïd. Et la manière qu'a mon frère de parler du peuple me choque et m'attriste. Il est d'un mépris absolument révoltant, tellement stupide, sans se rendre compte que lui aussi fait partie du peuple. Pire encore, mon frère est de cette partie du peuple qui, hélas, est empêtrée dans une ignorance telle qu'elle croit tout savoir parce qu'on lui a fait entendre un prêche à la mosquée. Et ne parlons pas de la manière qu'a mon frère d'interpréter la religion, d'une telle imbécilité que je ne parviens pas à m'expliquer comment un cerveau peut manquer tellement d'un minimum de lucidité. Comment expliquer un tel comportement ? Rien de mystérieux, cher Karim. Nous traversons une période historique de reflux. Tous les peuples, sans exception, connaissent des flux libérateurs retentissants, comme notre guerre de libération nationale, sans oublier l'autogestion, et malheureusement, se voient ensuite soumis à des reflux asservissants, où la composante sociale mauvaise reprend le dessus. Partout cela s'est produit, Russie, Chine, Cuba, Vietnam, France, Italie, Allemagne, etc. Notre peuple ne fait pas exception. Il suffit de voir aujourd'hui le capitalisme triomphant et toutes les idéologies qui le justifient. Néanmoins, dans la tempête adverse, il faut savoir garder confiance dans le peuple, quelle que soit la régression où il tombe, malgré les calomnies dont il est sali. Et tu sais pourquoi cette exigence ? Pourquoi ? Que dis-tu d'une personne au visage laid, qui en se voyant dans un miroir reprocherait à ce dernier sa laideur ? Que cette personne manque de raison ? Eh bien, le peuple est notre miroir. Il reflète notre incapacité à l'éclairer. Nous qui avons le privilège de bénéficier des conditions matérielles pour acquérir un savoir. Tout peuple a ses problèmes, ses blessures, ses fractures, ses contradictions. Mais il a aussi son envie de vivre, de réaliser ses aspirations. Pour y parvenir, il doit être aidé par ceux qui possèdent des connaissances. Le peuple, malheureusement, est soumis à l'ignorance, comme tu le constates. Elle est la condition de son exploitation économique et de sa domination politique. Si cette ignorance, cette laideur existe, c'est également parce que nous, qui prétendons savoir, nous sommes incapables de la combattre et de l'éliminer en fournissant la connaissance libératrice. Silafid remarque un homme d'une quarantaine d'années venu s'asseoir à une table tout près de la sienne. Le nouveau client prend un paquet de cigarettes, en allume une, d'un air apparemment nonchalant. Silafid le fixe un instant. Karim, s'en rendant compte, jette un coup d'œil à l'intrus. Puis les regards des deux amis se rencontrent. Silafid fait discrètement, avec sa main droite et l'index pointé, le déplacement d'un serpent sur le sol. Karim comprend. Probablement un chenard, de la police, un mouchard. Ou des intégristes. J'ai affaire, déclare Silafid. Moi aussi. Les deux amis se lèvent et s'éloignent.